السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله، on se retrouve aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour commencer le cours numéro 8 sur la série des cours sur l'explication de la partie Amma, Juz Amma du Coran, la dernière partie du Coran. Et nous en sommes arrivés, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à Surat At-Takwir. Surat At-Takwir, l'obscurcissement, qui est une surat mekwase. Naam. Et comme disent les savants, la surat At-Takwir et les deux surat qui viennent après, c'est-à-dire surat Al-Infitar, la rupture, et surat Al-Inshiqaq, la déchirure, ces trois sourates te décrivent ce qui va se passer le jour du jugement, parmi les choses terribles. Et la preuve de cela est le hadith d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise quand le soleil sera obscurci, et quand le ciel se rompra, et quand le ciel se déchirera. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset, la traduction approximative: quand le soleil sera obscurci. C'est-à-dire le jour du jugement. Et le mot takwir, donc du verbe kawara, le mot takwir en langue arabe signifie le fait de regrouper, de réunir une chose les uns envers les autres et de l'entourer, de l'enrouler, afouen, et de l'enrouler. Et il donne un exemple pour cela, comme on fait pour le turban. C'est-à-dire quand tu mets le turban, hein, tu fais tourner le turban autour de la tête, chaque pan est réuni les uns autour des autres. Et donc le jour du jugement, le soleil sera réuni, c'est-à-dire il sera enroulé, il sera plié et sera obscurci, c'est-à-dire que sa lumière va disparaître, subhanallah. Et ensuite il sera jeté en enfer. Et on va voir qu'il en est de même pour la lune. Allah subhanahu wa ta'ala va enrouler le soleil, va le plier, ainsi que la lune, et va les jeter tous les deux en enfer. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soleil et la lune seront comme deux taureaux enroulés et obscurcis dans le feu le jour de la résurrection. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Subhanallah. Regarde la grandeur du soleil, l'immensité du soleil et de la lune. ils vont être comme deux taureaux en enfer. Que dire alors de l'enfer? Subhanallah. Comment il va être l'enfer? Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les jeter en enfer. Mais pourquoi? Pourquoi il va les jeter en enfer? Pour que ce soit une humiliation et un reproche, une réprimande pour ceux qui les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie d'ici-bas. Et le sens, c'est pas ils vont être jetés en enfer pour être châtiés. C'est-à-dire le soleil et l'enfer, le soleil et la lune vont être châtiés. Non, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se prosternaient devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans les versets. Donc le sens ici, c'est que, comme on a dit, ce sera une humiliation et une réprimande pour ceux qui les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Et ils feront partie des combustibles de l'enfer. Ils feront partie des combustibles de l'enfer. Wallahu a'lam. Comme a dit Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde dans l'explication de ce hadith. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, verset 98, vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Donc toute chose qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sera en enfer avec eux. Excepté bien sûr les gens pieux qui ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qu'ils n'ont pas agréé cette adoration. Et c'est ça le tarout. At-tarout, la définition du tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui a agréé cette adoration. Okay, les prophètes qui ont été adorés, les gens pieux, etc., ils n'ont pas agréé cette adoration. Là, il faut bien comprendre. Et la preuve de cela, qu'ils ne seront pas en enfer, ces gens-là, ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'ont pas agréé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Anbiya, versets 101 et 102. En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. Et ça vient à la suite du verset qu'on a cité. Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Et après Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les autres versets, il a dit, en seront écartés, comme on a lu. Naam. Tayyib. Idha shamsu kuwirat wa idha nujum kadarat. Et que les étoiles deviendront ternes. C'est-à-dire les étoiles du ciel vont devenir obscures. Leur lumière va disparaître et se disperseront. Naam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate la rupture, on va le voir inshallah ou ta'ala, verset 2. Et que les étoiles se disperseront. C'est-à-dire qu'elles tomberont de leur endroit où elles sont. Et cela va se passer le jour du jugement, wallahu al-musta'an. Naam, et que les étoiles deviendront ternes. Wa idha al-jibal suyirat. Et les montagnes mises en marche. Et on a vu beaucoup de versets sur ça, on va les reciter. On va pas les reciter, inshallah ou ta'ala, mais ces montagnes fermes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans la terre afin que la terre ne s'ébranle pas, qu'elle ne tremble pas. On avait dit des montagnes comme des piquets, comme les piquets pour une tente. Elles seront mises en marche, c'est-à-dire qu'elles deviendront comme une dune de sable. Imagine-toi, comme une dune de sable dispersée, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Muzammil. Puis elles seront comme de la laine cardée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Qari'a, verset 5. Puis elles seront réduites en miettes et deviendront poussière éparpillée. Subhanallah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Waqi'a, l'événement, versets 5 et 6. Donc elles seront déracinées de leur endroit. Ces montagnes, elles vont passer par toutes ces situations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées, le jour du jugement. Ici, médite qu'Allah te préserve. Médite sur cela. Quand tu vois ces montagnes dans la vie d'ici-bas, le volume, la quantité de ces montagnes, Comment elles sont immenses, hein, élevées à des kilomètres. Il y a des tonnes, des tonnes de pierres. Le jour du jugement, elles seront dans l'air comme de la fumée. On m'a dit, Cheikh Al-Fawzan, dans l'explication de ce verset, elles seront dans l'air comme de la fumée. Et cela montre que ce sera un jour terrible. Wallahu al-musta'an. Na'am. Wa idha al-'isharu 'uttilat. Et les chamelles, à terme, négligées. Et le mot 'ishar est le pluriel du mot en arabe 'ushara'u. C'est-à-dire qui est la chamelle enceinte de 10 mois. La chamelle enceinte de 10 mois. Et elle faisait partie des biens les plus précieux chez les Arabes. Hein? Et tu vois dans cette dunya que celui qui en possède en prend soin. Hein? Il les surveille, il les abrite chaque instant. Il fait attention. Car c'est un bien, yani, précieux. Il ne peut pas le perdre. Il ne peut pas être négligent. Mais ce jour-là, le jour du jugement, elles seront négligées, c'est-à-dire qu'elles seront délaissées. Leur propriétaire sera inattentif et négligent envers elles. Il ne se retournera même pas vers elles, car il sera préoccupé par une énorme affaire, ce jour terrible, qui va le distraire, lui faire oublier toute chose, comme on a vu dans Sourate Abasa. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, son épouse, et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. C'est-à-dire que toute chose précieuse, comme il dit Cheikh Saadi, dans l'explication de ce verset, qu'Allah lui fasse miséricorde, toute chose précieuse que possède l'être humain dans cette vie d'ici-bas, elle sera délaissée et négligée. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Wa idha al-wuhush hushirat. Et les bêtes farouches rassemblées. Les bêtes farouches. Le sens voulu ici, comme disent les savants, est toutes les bêtes. Toutes les bêtes. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 38. Nulle bête marche sur la terre ou sur terre. Nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc les bêtes, elles seront rassemblées le jour du jugement. Et les gens regarderont. Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux avec équité. Comme on avait cité auparavant. Hein, la bête qui avait une corne et qui a été injuste envers celle qui n'en avait pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une corne et rétablira la justice entre elles. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'elle soit de la poussière comme on l'a vu. Car les animaux, il n'y a pas de paradis et pas d'enfer. Hein? Il va ordonner qu'elle soit de la poussière et elles seront. Et tout le monde verra que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite, même entre les bêtes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rétabli la justice. Même s'il a été dit dans ce verset aussi, d'autres explications, que les bêtes farouches, hein, que dans cette dunya, celles qui fuyaient les gens, tu les vois, les bêtes farouches, elles ne vivent pas avec les gens. Ce n'est pas comme les animaux, hein, qu'on voit, hein, qui vivent avec les gens, les chats, les chiens, etc. D'accord ? Donc elles vivaient dans le désert, dans les endroits, il y a ni comme ça éloignés, et elles ne s'habituaient pas aux gens. Elles ne vivaient pas avec les gens. Mais ce jour-là, Yawm al-Qiyama, elles seront jugées elles aussi. Et elles deviendront à la fin poussière. Il a été dit aussi que même, subhanallah, elles vont se mélanger avec les gens. Parce qu'avant, dans cette dunya, elles ne se mélangent pas, elles fuient des gens, comme on a dit. Mais ce jour terrible, wallahu al-musta'an, tellement qu'il sera terrible, hein, elles vont se mélanger avec les gens. Comme si qu'elles voulaient de l'amitié, comme si qu'elles voulaient être avec les gens, tellement que ça sera un jour terrible. Wallahu al-musta'an. Naam. Wa idha an-nufus zuwijat. Wa idha al-wuhush hushirat. Wa idha al-biharu sujirat. Afwan. Wa idha al-biharu sujirat. Et les mers allumées. Et les mers allumées. Ces mers que tu vois dans cette dunya, toutes les mers qui existent, immenses et volumineuses, hein, qui représentent yani, trois quarts ou plus de la terre. Subhanallah. Le jour du jugement, elles s'enflammeront d'un feu attisé. d'un feu qui sera immense. Et ce jour-là, la terre deviendra sèche. Il ne restera plus d'eau. Ce sera que du feu. Imagine-toi ce jour. Regarde, yani, subhanallah, quand tu vois la terre, le volume d'eau qu'il y a, ce sera du feu. Allahu musta'an. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et les âmes accouplées. Qu'est-ce que ça veut dire? Me disent les savants, c'est-à-dire que toutes les âmes des gens, elles seront regroupées. On regroupera toutes les âmes. Chacun sera réuni avec son groupe. Les gens de la foi seront réunis avec les gens de la foi. Ils seront regroupés ensemble. Les mécréants, les associateurs, les hypocrites seront tous réunis ensemble. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat As-Saffat, verset 22, « Rassemblez les injustes et leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient. » Et leurs épouses ici, c'est-à-dire leurs semblables. Les gens du mal avec les gens du mal. Les gens du bien avec les gens du bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Jathiyah, l'agenouillé, verset 28, « Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. » On rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Et tu vois, dans cette dunya, les catégories, elles sont mélangées. Le croyant, le mécréant, le pieux, celui qui ne l'est pas, ils vivent ensemble dans cette terre, certains pays, etc. Mais lorsqu'arrivera ce jour, ils seront séparés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yassin, verset 59, « Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. » À ce moment-là, les gens, les mauvais avec les mauvais et les biens avec les biens. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 71, « Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. » Et dans la même Surat, verset 73, « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. » Donc là, alhamdoulilah, dans cette dunya, il faut choisir son groupe. Il faut choisir son groupe. Alhamdoulilah, il faut être parmi les croyants. Et parmi les croyants, il faut être parmi les gens de la sunna. Car si tu veux être rassemblé avec les gens de la sunna et du consensus, les gens de la vérité, reste avec les gens de la vérité, fréquente-les, reste avec eux. Et ne sois pas avec les gens du mal, les gens des pervers, les gens de l'innovation. Car sinon, tu seras rassemblé avec eux. Wal'iyadu billah. Donc là, il faut faire attention. On a encore, c'est encore possible dans cette dunya, walhamdulillah. Tayyib. Yaqul Allah Azza wa Jal. Après, il dit Wa idha al-maw'udatu su'ilat. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'ignorance, ils enterraient les filles. Les Arabes, ils enterraient les filles vivantes jusqu'à la mort, dû à leur ignorance. Et une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les enterraient par honte et par pauvreté, ou soit l'un, soit l'autre. Il détestait avoir des filles. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl, les abeilles, versets 58 et 59, « Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement ?» Subhanallah al-Azim. Pour quel péché elle a été tuée? On demandera à cette fillette le jour du jugement pour quel péché elle a été tuée. Et c'est une chose connue qu'elle n'a pas de péché, elle était petite. Soit ils l'enterraient directement, soit ils attendaient après qu'elle grandisse un peu, ils l'enterraient. Elle n'avait pas de péché, elle n'était pas encore responsable. Mais il y a dans cela une réprimande et un blâme. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour quel péché elle a été tuée, il y a dans cette parole une réprimande et un blâme pour celui qui l'a tué et pour celui qui a été injuste envers elle. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le salut. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Et quand les feuilles seront déployées. C'est-à-dire les feuilles où toutes les actions et les paroles sont écrites. Sache que chaque action et parole est inscrite sur les feuilles. Hein, sur des feuilles. Les anges inscrivent toutes choses. Subhanallah, comme les savants ils disent, même ton intention, il est noté. Est-ce que l'ange, il sait ton intention? Non, il ne sait pas, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit. Et il l'écrit après. Comme il a dit, Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde dans ses fatawas. Regarde, toute chose, elle est écrite. Hein, tout ce que la personne elle a fait comme bien ou mal, ensuite, le jour du jugement, elles seront déployées à son propriétaire. Soit il les prendra par la main droite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Haqqa, celle qui montre la vérité, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à la portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Qu'Allah fasse partie de ces gens-là. Car ceux qui prendront par la main gauche, ce livre, hein, ces feuilles, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même surat, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise dans la même sourate, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise. Hein, et pareil pour celui qui les prendra derrière son dos. Hein, pareil, celui-là il sera brûlé dans un feu ardent, qu'Allah nous en préserve, comme il a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets. Naam. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et le ciel écorché. Le ciel, maintenant, tu le vois, alhamdoulilah, il a un toit protégé. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a protégé par un toit fort. Il est robuste. Comme on a vu dans certains versets cités auparavant. Mais le jour du jugement, il disparaîtra. Subhanallah, il sera écorché rapidement. Comme on écorche la peau d'une bête lorsqu'on l'a égorgée. Imagine-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va écorcher le ciel et il le pliera. Dans sa main droite. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat les groupes, verset 67. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat les prophètes, verset 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Vous voyez, quand tu plies les livres ici, non, hein? Subhanallah, le ciel, il sera plié. Comme on plie le rouleau des livres. Donc le ciel, il va disparaître. Hein? Et il y aura à la place, comme disent les savants, il y aura à la place, même comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, il y aura à la place le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans surat Al-Haqqa, celle qui montre la vérité, versets 116 et 17. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Naam. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. Et la fournaise attisée. Et la fournaise attisée. La fournaise, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Elle s'enflammera et brûlera fortement comme jamais elle a brûlé. Quel combustible l'enflammera? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tahrim, l'interdiction, verset 6. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Les gens, c'est-à-dire les mécréants, les associateurs, et les pierres de feu immenses et d'une chaleur intense. Subhanallah, et on a déjà parlé de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa idal jannatu uzlifat. Et le paradis rapproché. Hein, le paradis, la demeure des pieux, des croyants, des bienheureux. Il y a dans ce paradis, comme on avait dit, ce que nul œil n'a vu et nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Il sera rapproché et embelli pour ces gens, les croyants. Ils se réjouiront ce jour-là en l'observant devant eux. En l'observant devant eux. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il montre après avoir cité tous ces versets, la réponse à tout cela. C'est-à-dire lorsque toutes ces choses arrivent, lorsque toutes ces choses arriveront, c'est-à-dire au jour du jugement, à ce moment-là, عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Chaque âme, c'est-à-dire ici toutes les âmes, même si c'est au singulier ici, chaque âme, c'est-à-dire toutes les âmes, elles sauront ce qu'elles ont présenté comme bien ou mal. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ali Imran, verset 30, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et Cheikh Saadi nous dit des belles paroles quand il nous explique ce verset. Il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Toutes ces descriptions qu'Allah a décrites le jour du jugement sont des descriptions troubles. Sont des descriptions qui troubleront et qui inquiéteront les cœurs, qui intensifient les angoisses, qui font frémir les membres et qui font régner les peurs. Ce sont des descriptions qui poussent et encouragent les doués d'intelligence à se préparer pour ce jour et qui les repoussent de tout ce qui pourrait, de ce qui pourrait pour eux être blâmable. Et c'est pour cela que certains salafs ont dit, mais nous on a vu que c'était un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Cheikh Saadi dit ici que certains salafs ont dit que celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il médite surat al-Takwir. On avait vu que c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc il incombe, fin de citation de Cheikh Saadi. Naam. Les savants nous disent, donc il incombe, mais plutôt il est obligatoire pour la personne de méditer sur ces immenses versets et qu'il tire profit et prenne des leçons sur ce qu'elles contiennent comme exhortation et qu'il les croit fermement comme s'il les voyait de l'œil de la certitude. Car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé et dont on a eu connaissance de ce qu'elle signifie, c'est encore plus certain pour nous que si on les voyait de nos propres yeux et qu'on entendait de nos yeux, et qu'on entendait de nos oreilles. Donc ici, il faut avoir la certitude, y croire fermement, et œuvrer, se préparer pour ce jour. Allahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala juste avant, donc celui qui aura cru, parce que c'est important de savoir ça, après y avoir cru et compris le sens de cela, il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'œuvrer, de mettre en pratique ce que cela implique. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres, et délaisser ses interdits, afin d'être parmi les gens du Coran. C'est-à-dire qu'il le récite. Comme il se doit. C'est-à-dire qu'il le lise correctement, mais comprendre ses sens, comme on a vu. Ce qu'on est en train de faire, alhamdoulilah. Et le mettre en pratique. Le mettre en pratique comme il se doit. Car le Coran est soit une preuve pour toi ou contre toi. Soit une preuve pour toi ou contre toi. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après, il dit فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Et après Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône jusqu'à la fin de la sourate. Et Inch'Allah ou Ta'ala, on finira cette sourate demain. Bi'idhnillah. On s'arrête ici, Inch'Allah ou Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم Et le prochain rendez-vous, n'oubliez pas, Inch'Allah ou Ta'ala, ce soir à 22h, le cours de notre frère Youssouf sur les paraboles du Coran. Profitez, barakallahu fikum, wa ahsana ilaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله أعلم.